Pierre Véry, Le pays sans étoiles. Alors c'est un livre qui date du milieu du XXe. J'ai pas la date exacte, mais Pierre Véry est mort en 1960. Alors c'est intéressant, je connaissais pas du tout, moi, on m'a prêté le livre. C'est un livre de fantastique, je dirais, hein, pas vraiment de science-fiction. Fantastique, parce qu'il a travaillé dans le cinéma parallèlement à ses livres, notamment il y a eu un livre, un film, pardon, il paraît un très beau film, justement tiré de ce livre, Le pays sans étoiles, avec Gérard Philippe. Voilà, bon, j'ai jamais vu. Et en fait, donc c'est plutôt du fantastique que de la science-fiction, et c'est plutôt du polar que du fantastique. Non, c'est un polar teinté de fantastique. Enfin, polar. Moi, j'appelle ça polar, mais si, parce que bon, il y a une enquête. Bon, je vais faire court parce que d'abord, je l'ai déjà lu il y a quelque temps, enfin, il y a 2, 3 semaines, et puis j'ai pas beaucoup accroché parce que j'aime pas les enquêtes. Mais sinon, c'est bien écrit. Alors, qu'est-ce que... Sur le style déjà. Un style... Je trouvais que c'était bien écrit. C'était assez... C'était pointu. C'était assez fin. Assez cynique. Assez cynique. Assez... Un peu drôle, un peu ironique, un peu caustique, voilà. Mais bon, en même temps, assez simple, hein. Il y a beaucoup de dialogues, c'est assez direct, c'est pas du Mauriac, hein. Ça se veut pas recherché. Alors, bon, faut pas comparer choses qui sont incomparables, mais au niveau du style, quand même, ça m'a fait un petit peu penser à Céline. Je sais pas si c'est parce que c'est à peu près la même époque, enfin, en gros. Milieu du 20e, je sais pas. Il y a un style un peu commun, une sorte de un désespoir latent, un style très direct qui cogne un peu. Bon, ça s'arrête là, hein. Évidemment, il n'a pas, c'est pas Céline, mais il y a quand même, il m'a fait penser dans l'approche un petit peu noir, dépouillé, enfin dépouillé. Oui, c'est un petit peu droit au but, quoi. Dans les descriptions, il y a pas de circonvolution longue. Donc bon, ça c'est juste un petit avis. Donc c'est l'histoire d'un homme qui n'a qu'un ami. Alors l'homme, c'est Simon le Gouge, qui n'a qu'un ami. François, je crois. Oh, je suis même pas certain. Terrible ça. JT. Non, c'est JT, son ami. Là, je sais plus ce que signifie JT. Bon. En tout cas, ses initiales, c'est JT. Donc, qui n'a qu'un ami et qui est un peu déprimé dans la vie, quoi. Hein. Il travaille, il fait des enquêtes pour un notaire, pour des histoires d'héritage. Et puis un jour, alors il s'est fait, oui, il s'est fait, il s'est fait abandonner. Sa compagne l'a quitté, et ça, il s'en est parmi. Et du coup, depuis, il est toujours triste. Et il voit les gens tous comme des morts, des futurs morts. Il voit des morts autour de lui. Hein, c'est étonnant. Un jour, il a un coup sur la tête et il se voit ailleurs. Enfin, il a un coup sur la tête. Oui, je crois qu'il tombe en arrière et il se voit ailleurs. Il se voit observant une scène de crime, comme si ça lui était vraiment arrivé. Une femme court, elle est en robe d'époque d'il y a 200 ans. Enfin, non, alors, 100. Ça se passe en 1920, l'histoire. Et la scène se passerait, enfin, bon. Une centaine d'années plus tôt. Donc aujourd'hui, on est effectivement il y a 200 ans. Donc l'auteur, il y a, je sais pas, 50 ans, au minimum, plutôt 60 ou peut-être 70. Je vais peut-être voir ça. L'histoire, ça se passe après la Première Guerre. d'épaule égale. Ça, c'est pas la date. Bah, je trouve pas la date. Ah, si. Oh, bah, il est paru. Il a paru en 61. Donc, finalement, c'était vraiment son dernier. C'est étonnant, ça. Il est mort en 60. Il y a eu un film. Ah, mais il a peut-être pas dirigé le film. Non, peut-être pas. Bon. Donc, voilà pour les dates. Donc, il observe un crime où il y a une femme, donc en robe d'il y a 200 ans, qui court, qui est poursuivie par un homme, qui la rattrape, qui la tient, et puis un autre homme arrive derrière et lui donne un coup sur la tête. Et il le tue. Voilà. Et il observe ça, et il a l'impression d'être là quand il observe la scène. Bon, je vais aller très très vite, hein. Donc si on veut écouter, si on veut pas, si on veut vouloir le lire, il faut pas écouter à partir de maintenant. Il fait une enquête, il se rend sur les lieux. Alors il a son ami, c'est la seule personne qu'il aime là, ils ont une histoire d'amitié, il admire beaucoup cet homme-là. Voilà, il a une barbe, etc. Enfin bon. Donc Simon part faire une enquête et il finit par retrouver le lieu. Le lieu de son rêve. Et il finit par trouver une tombe. Et il finit par savoir qui. Une certaine Pamela. C'est elle qui a été tuée. Et il finit par comprendre l'histoire de cette Pamela. Donc il comprend l'histoire. Il rencontre une jeune fille qui admire. C'est une descendante d'une famille de fermiers qui a eu son argent grâce à des dons de Pamela. Il rencontre une jeune fille. Bon, il y a quelque chose entre eux, mais il n'y a rien. Enfin bon, a priori, elle a des sentiments pour lui, mais c'est tout. Lui, il a de l'affection pour elle, mais en fait, il l'aime pas. Donc il enquête et il finit par tout trouver quasiment, enfin, et JT vient le rejoindre. Et JT, finalement, c'est lui qui découvre le fameux mot d'histoire. Mais JT, ce faisant, il avoue qu'il a couché avec la jeune fille et qu'il est amoureuse de machin, sans vraiment le forcer, mais un peu par ascendant pur, enfin, bon, c'est assez difficile à décrire et... Tout à coup, toute la noirceur de JT ressort. C'est-à-dire qu'en fait, il se rend compte que c'est un salaud depuis le début et qu'il a à chaque fois voulu colorer positivement tous les actes et les dires de JT, mais qu'en fait, c'était un pauvre type, quoi. C'était un salopard, un pervers qui tirait son plaisir du malheur des autres, quoi, qui n'a aucune morale. Parce que JT leur révèle la véritable histoire de Pamela, parce que quand il la trouve, à Simon et à la jeune fille, et en fait, la véritable histoire, c'est simplement que Pamela... A priori, d'ailleurs, la jeune fille était au courant. Bon, je vais pas tout... Bon. Et la véritable histoire, c'est que Pamela, qui avait une petite fille qui avait été spoliée de ses biens, de son père, qui était très riche, et ça avait été donné à son cousin, enfin, en tout cas, la tutelle à son cousin. C'est une famille où tout le monde se haïssait, et en fait, Pamela n'avait pas reçu d'éducation de son père. Enfin, aucune éducation. Mais finalement, une histoire de bataille entre les deux cousins et Pamela. Du coup, l'un des cousins veut aider Pamela pour dépouiller son frère, son autre cousin. Oui, son frère, je crois, son frère, c'est de là. Des biens de ce qu'il est en train de gérer, donc il apprend à Pamela à lire et écrire, bref, en gros c'est la zizanie entre les trois, et il y a bien eu meurtre, quasiment orchestré par Pamela, donc c'est vraiment la scène qu'a vu Simon, puis en fait pas tout à fait, Simon il a vu une scène de nuit, là c'est deux jours, il a bien été assommé, mais c'est pas la même arme, c'était une canne, bon alors que l'autre c'était un gourdin, enfin il y a... Et devant l'horreur de la situation, donc JT avoue à Simon qu'il a couché avec la jeune fille dont j'ai oublié le prénom là. Elle part en courant, JT lui court après, puis Simon. Et par une histoire un peu abracadabrantesque, ils étaient tous en robe, en tenue d'époque, qu'ils avaient trouvée dans la maison de Pamela. Et du coup, ils courent dans la nuit, donc la jeune fille, puis JT, puis Simon. JT rattrape la jeune fille, la tient, et Simon arrive derrière avec un gourdin et un clou dedans, et il fracasse la tête de son ami, qui ne l'est plus à ce moment-là. Et là, Simon comprend qu'en fait, il a vu la scène. C'était en fait, il n'a pas vu la scène d'il y a 200 ans. Il a simplement eu une prémonition. C'est terrible. Et donc, il se doute qu'il y a un petit garçon qu'ils ont croisé peu avant, qui les a vus, et c'était à travers ses yeux qu'il a vu la scène. Donc, il y a un petit garçon qui a peur qu'il meure. Alors, la fin est un peu énigmatique. Parce qu'on pense que le petit garçon il s'enfuit quand il voit ça, etc. Ben, je vais lire la dernière page. Donc, Simon qui s'avance, il dit à la jeune fille de s'en aller, il s'avance vers la falaise. Alors, je lis. Hein. Il semblait à Simon que la vallée fût pleine d'oiseaux facétieux qui sifflaient pamélou, pamélou, que le paysage entier, les peupliers, la rivière, le ciel, la lune, tout fredonna sarcastiquement, pamélou, pamélou, pamélou, comme si le paysage le chassait, l'expulsait. Coupant au court à travers les bruyères, il marchait vers la falaise. Les têtes élégantes des peupliers furent brutalement secouées, puis leur double file s'inclina dans une attitude de pénitent. Des feuilles arrachées tournoyèrent, semblables, sous la lune irisée, à des oiseaux de papier d'argent. L'orage éclatait. Le dense rideau de la pluie s'avançait rapide au-dessus des prairies. Il était encore de l'autre côté de la rivière que déjà, porté par la bourrasque, les premières gouttes s'écrasaient sur le sentier, lourdes et tièdes. Ah oui, voilà. Alors, ça c'est la fin. Et j'ai pas lu assez tôt. Donc c'était Simon qui s'avançait vers la falaise. Alors, Simon continue de voir la falaise de mirage, de mirage. Pourtant, comme il est là, las, il ferme les yeux. La falaise de mirage est toujours là. Mieux, elle semble faire un bond vers Simon, et le corps qui dévalait la pente, magiquement rehissé au sommet, reprend sa descente vertigineuse. Un autre bond, la falaise plus proche, le corps dévale, plus volumineux. Qui est-ce? Les images se succèdent, de plus en plus rapides, elles s'enchaînent, mordent les unes sur les autres. Le corps roule, recommence de rouler, recommence. Qui est-ce? La falaise bondit, le plan rapproché en plan rapproché. Maintenant, Simon est obligé de lever la tête, de tendre le cou pour apercevoir la crête. Un dernier bond, la falaise est là. Simon se trouve exactement à la base de la masse, éblouissante comme une cataracte de lait. Elle a un aspect à la fois terrible et miséricordieux. De tout là-haut, il voit, une fois de plus, rouler à une vitesse sans cesse accrue, projetée de ça, projetée de là, tel un mannequin, ce corps qui n'en finit pas de s'abîmer. Enfin, il va savoir qui. Comme si déjà il ne le savait pas. Lorsque ce corps vint s'immobiliser à ses pieds même, ce fut sans surprise qu'il se reconnut, lui, Simon le Gouge, en redingote de drap bleu à boutons de soie, membres brisés, crâne défoncé, face ruisselante de sang. De mort. Mort, plutôt. Pamélou, Pamélou, et ainsi de suite. La vision s'était évanouie, la falaise avait repris sa place réelle de l'autre côté de bruyère. La vraie falaise. Donc c'est ça. Il a à nouveau une prémonition après le meurtre. Et en fait, la prémonition, et cette fois, au lieu d'avoir des mois d'avance, elle a quelques minutes, quoi. Simon, a tout perdu et il va vers la falaise à pied. Il s'est vu tombé de la falaise, il s'est vu mort. En fait, c'est dans quelques minutes et il y va ensuite de lui-même. Voilà, on peut dire, il va se suicider. Voilà, bon, voilà. C'est pas mon genre de bouquin, hein. C'est très bien sans doute, mais c'est pas, j'ai pas accroché. Je lis derrière le livre. Pierre Véry est certes, parce que c'est dans la collection Présence du futur. Pierre Véry est certainement l'un des meilleurs auteurs fantastiques français. Ouais. Donc, à ceux qui aiment les enquêtes et les livres qui coulent tout, qui coulent bien, qui se lit bien, bien écrit. Donc c'était Pierre Véry, Le pays sans étoiles.